J'ai démarré en 5-5 sur la voie de gauche, force à 225, pas mode de la jet set, pas de timinic. Quand je communique avec toi, pas de timinic, que du bruit, pas de blague, gâché, pas de gag. Dis des frappes fort, mon équipe tape fort, fais bouger ton corps comme un rodéo. Hardcore sur le beat, je suis le Buffalo Soldier, garde le terrain comme un Buffalo. Mon rap est illégal pour les Schmitt, je les nique, je n'ai pas de limite. Public ennemi, type dangereux, tous veulent ma peau baby. Voilà pourquoi je monte le débit. De rime, de sexe et de gun, freak freak, adrénaline quand j'ai de gain. Que de l'attention dans mes veines. Moi c'est ça que j'aime et si ça te gêne, des rapous sois zen. On peut les pas casser le souffle du pays. Mon pays, c'est des pompéis pleines de pupologie. Dans l'obscurité, le temps de la survirugie. Dans les quartiers comme les MC, salaire les machines. Les crayons et papillons pensent que la vie nous lègue. Pas le temps de jouer l'aide, j'passe Charlie Oleg. On établit nos règles, loin de hors la loi. Qui c'est qu'ils aient de l'aigle, les gars du bloc, on a foi. On s'aime, on s'ahue, on salit, on se lave. Même sous la lave, on s'élève et ça les vrais le savent. On se calme, on se bouillave, quand c'est chaud, on se tâche lave. Cigare, caviar, partagé dans les caves. Sur les paves, social, on se place, sur plus d'install. Sur les têtes, s'installe, nos sales voix de chacal. Déroule le tapis rouge, bouge tes fesses, papy. Lève tes bras si tu aimes ça. Lève tes bras si tu aimes ça. Lève tes bras si tu aimes ça. Sur le mic, c'est grave, pas double delta. Lève tes bras si tu aimes ça. Lève tes bras si tu aimes ça. Lève tes bras si tu aimes ça. Sur le mic, c'est grave, pas double delta. Sur le beat, call pot sans conduite, tellement vite que je mets des bugs sur le site. Ça t'excite, caresse-toi devant ta webcam. Quand le shoot et décolle, ça c'est de la netcam. KDD c'est que du faux, que du bon, que des tubes et du bon sang. Trou comme un tronçon, sur toutes les versions, y'a pas de diversion. Pas de skill face à la compétition. Marque des points, brûle les étapes, crame le terrain. Enfin les lois sans frein, sans fin. Pour locomotive 120 BPM, 230 au compteur de la BM. Pour mon ADN, va pourquoi je me démène. Je vais deux fois plus vite que toi, pourtant je reste zen. Plus de pont, plus de pont, plus de force, plus de rime. Très bien, c'est comme un chasseur de jouets. Sur le beat champion, appuie sur les champignons. Se menace à la station, stop, c'est consaction. Peu de rêve par les factions. Défilé de bolide avec ma section. Le PD amène le boxon. Poste pour des paxons, t'aimes les bons sons, fais claquer ton klaxon. Sur le flow, on speed comme un faction. Nique l'état qui nous taxe en speed. Fluide, ce qu'on veut, c'est des millions. Si tu le veux, t'en aussi, reste des millions. Derrière les mics, on est des milliers. À vouloir tout défoncer comme une voiture. Bélier, bélier, pilier dans l'équipe, billet. Lève tes bras si tu aimes ça, yeah. Dans le milieu de la pimpologie, mets le feu, PPD à mets le feu. Lève tes bras si tu aimes ça. Lève tes bras si tu aimes ça. Lève tes bras si tu aimes ça. Sur le mic c'est grave, pas double delta. Lève tes bras si tu aimes ça. Lève tes bras si tu aimes ça. Lève tes bras si tu aimes ça. Sur le mic c'est grave, pas double delta. Pour des millions, millions, millions, millions, millions, millions, millions, millions. Grave, pas double delta. Mon équipe, qui peut la tester? Quel cap, quel con pour contester? Va falloir te lever tôt pour le tester. Mais je sais que c'est trop tard pour le test, mon équipe. Qui peut la tester? Quel taf, quel con pour contester? Va falloir te lever tôt pour le tester. Mais je sais que c'est trop tard pour le test, mon équipe. Qui peut la tester? Quel taf, quel con pour contester? Va falloir te lever tôt pour le tester. Mais je sais que c'est trop tard pour le tester. Mon équipe, qui peut la tester? Quel taf, quel con pour contester? Va falloir te lever tôt pour le tester. Mais je sais que c'est trop tard pour le tester. Kappa double delta. Pour des millions, millions. Kappa double delta. Lève tes bras si tu aimes ça. T'as pas tout fait le cas. Lève tes bras si tu aimes ça. T'as pas tout fait le cas. Pour des millions, millions, millions, millions, millions, millions, millions, millions, millions, millions, millions, millions.